Dans ma télé tout tachée, il y a plein de gens qui ont tous reçu un talent. 100 000 Goldman, 500 000 Lara Fabian, ça fait 600 000 raisons de se faire chier. Dans ma télé affligeante, il y a plein de gens beaucoup plus doués que moi, des milliers de jeunes qui déchantent. Fantastic singer, la la la. Oh yes, I would like sometimes. I would like to be a fantastic singer, la la la. Faut que j'apprenne à trembler de la voix. Faudrait aussi que j'arrête la vodka et les cigarettes. Un petit tour au conservatoire, une sale histoire pour être une star complète. Pouvoir pleurer à la demande et sodomiser mon ego. Arrêter de dire bitch à tout et je bande. Ça fait désordre sur un plateau. I would like sometimes. I would like to be a fantastic singer, la la la. Oh yes, I want. I would like sometimes. I would like to be a fantastic singer, la la la. Dans ma télé tout tachée, il y a plein de gens qui ont tous reçu un talent. 100 000 Goldman, 500 000 Lara Fabian, ça fait 600 000 raisons de se faire chier. Dans ma télé affligeante, il y a plein de gens, beaucoup plus doués que moi, des milliers de jeunes qui déjantent et qui disent comme moi. Like sometimes I would like to be a fantastic singer, la la la. Oh yes, I want. I would like sometimes. I would like to be a fantastic singer, la la la. Yes, a singer.